Alors là, on va faire une petite aparté sur quelques séries et mangas, donc assez récentes, notamment sur la première et enfin, sur celle dont tu vas parler. Moi, je propose de faire d'abord une petite aparté, d'abord sur Cobra Kai. Après, je parlerai un petit peu de deux mangas, un qui est un peu âgé, qui date de 2013, qui s'appelle Chunibyo, et un qui est plus récent, disponible sur Amazon Prime, qui s'appelle, on va dire, Otaku Otaku, ou plutôt It's Hard to Love an Otaku. Je ne dirai pas le nom en japonais. Et après, Fabien, lui, va nous parler plus de Warrior. Alors on propose, on va commencer peut-être sur du Cobra Kai d'abord. Ouais. C'est le plus récent sur Netflix. Donc saison 3 disponible depuis, on va dire, un peu moins d'un mois, quelques semaines. Saison 3, ma foi, assez intéressante hein, sur Netflix où, je te rappelle, saison 2, Miguel venait de se faire exploser la colonne vertébrale dans une baston générale dans un lycée. Et là, maintenant, c'est toutes les répercussions donc de cette bagarre. Et là, donc l'équipe des Cobras et l'équipe du Miyagi-Do qui commence à avoir une grande rivalité et on revient un peu là-dessus donc à la saison 3 où on voit un peu les tenants et les aboutissants de toute... cette tension qui avait monté pendant deux saisons. Alors, j'ai une question, c'est parce qu'on voit, toi, on voit les trailers et les pancartes promotionnelles, on va dire, la publicité. Mais apparemment, il y a une emprise du retour de Reese, qui est joué par Martin Kov. Est-ce que cette emprise, elle est bien présente dans la saison 3? Eh ben, justement, donc, dans la saison 3, ce que je t'avais dit, tu vois, dans la saison 1 et la saison 2, il n'y avait pas vraiment d'antagoniste. C'est-à-dire que c'était deux personnes qui avaient leur propre, philosophie, vision des choses, etc. Et tu pouvais pas prendre parti pour l'un et pour l'autre. Et ben là, dans la saison 3, bah, tu vois carrément ce qui va arriver jusqu'à la fin de la saison. Et là, tu prends carrément parti pour le Miyagi-Do et le, ouais, et donc, Johnny Lawrence qui se retrouve sans dojo. Parce que, Reese a fait la main basse sur le dojo. D'accord. Cobra Kai et là, voilà, c'est technique de salopard pour enseigner le karaté à ses élèves, puis la loi du plus fort où le plus fort écrase le plus faible. Parce qu'en fait, le personnage de Johnny commence un petit peu à détester quoi, cette philosophie de frapper le plus premier. Quoi. Johnny évolue. Donc, tu vois, il a évolué pendant deux saisons et en fait, donc Reese, je t'avais dit, il manque un antagoniste. Donc Reese devient le méchant de la série en évoluant pas. C'est-à-dire que lui, il évolue pas. Son principe, c'est frappe fort, frappe en premier. Sans pitié, là c'est clair, lui c'est son Indo, ouais, c'est était, ça. Il était complètement caricatural dans les premiers films. Et ben, l'air devient complètement caricatural. Tu t'apprends juste que c'est un ancien des bérets verts qui a fait le Vietnam, où il a vécu des choses dramatiques au Vietnam, mais ça excuse pas le fait qu'il se conduise comme ça. Est-ce que les épisodes ils sont constants ou il y a certains épisodes qui sont faibles dans comme la dans saison? Comme dans toutes les séries, on va dire pour adolescents, parce que là on n'est plus le public ciblé. C'est assez inégal. C'est-à-dire qu'il y a des moments tu te fais un peu chier, il y a des moments il y a des gros enjeux et puis tu sais que bah là je vais un peu spoiler la saison, mais tu sais que Johnny et Daniel ils vont collaborer pour essayer d'endiguer le problème Cobra Kai. Est-ce que c'était pas un petit peu téléphoné cette histoire? Ah, complètement. De toute façon, c'est que tu voyais que ça prenait cette distance là dans les deux premières saisons. Et là, alors ça devient des revirements de situation parce que voilà, le fils de Lawrence, il se retrouve en prison parce que c'est lui qui a envoyé Miguel par-dessus la rambarde. Donc du coup, voilà, lui se retrouve en prison, donc il se retrouve plus ou moins abandonné et par son père et par Daniel. Alors pour faire chier le monde, lui du coup, paf, il va aller signer chez Chris. Voilà, c'est donc, voilà, nouvel antagoniste. Après Miguel, il ressort avec la fille de Daniel. Donc voilà, ça devient un héros, mais presque. Donc lui, il doit se reforger, c'est-à-dire qu'il est paralysé, il doit après réapprendre à marcher, des trucs comme ça. Donc réapprendre les bases du karaté, il faut qu'il arrive à s'en sortir, à se dépasser. La fille de Daniel Larusso, il faut qu'elle arrive à surmonter son traumatisme parce qu'elle s'est fait quand même tabasser et blessée par l'autre fille. Encore des histoires de coucherie d'adolescent, tu vois. Ouais. T'avais des personnages où t'avais commencé à apprendre à les connaître et à les apprécier. Et là, en fait, voilà, ça devient des. Tu tombes dans la caricature de certains personnages. Ça vient juste des connards. Voilà, juste des connards. C'est tout. Alors du coup, tu commences à détester certains personnages, mais du coup, tu comprends juste que comme c'est des connards, faut les neutraliser, c'est tout. Donc c'est un peu dommage parce que t'as plus la saveur de découvrir des personnages parce que tu les connais déjà. Donc maintenant, c'est le dénouement et la nostalgie, qui arrive et puis voilà, c'est tout. Ils jouent sur la nostalgie parce qu'il y a quand même Daniel qui retourne à Okinawa pour renégocier des termes de son contrat de truc automobile. Parce que comme c'est son dojo qui est tenu pour responsable de ce qui est arrivé dans le collège, il doit se refaire une réputation parce que plus personne veut passer par lui pour vendre des voitures. Et puis voilà, là ça joue sur la nostalgie, donc il rencontre tous les personnages de Karate Kid quand il est au Japon, quoi. Même l'ennemi quand il s'est battu à mort avec, qui devient dans le 2 là quand ils sont dans une espèce de exactement, d'arène, quand ils font le combat à mort, l'autre il revient et puis il se venge de Daniel, c'est-à-dire qu'il fait poète au nez, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire qu'il le bat et il fait poète au nez et après c'est les meilleurs copains du monde. Ah bon. Et il lui apprend que le Miyagi-Do c'est pas de la self-défense. C'est pas que de la self-défense. Donc il lui apprend des techniques offensives. Voilà. Et puis donc du coup c'est la seule évolution de personnage. Et après, Miguel lui il se retrouve à à être au dojo Miyagi pour se reforger, mais sachant qu'il a une dévotion immense envers son sensei, donc Johnny Lawrence. Après, il y a l'aigle qui tourne sa veste, tu sais pas d'où ça vient. Voilà, ce qui c'est pète, qui l'aigle, tu peux rappeler? Bah, c'est le mec qui a une crête, voilà, qui se fait appeler l'aigle. Donc c'est un Cobra Kai, et puis bon, à la fin, il retourne au Miyagi-Do, mais ça sort de mon cul, quoi. Mmh. Il défend son camarade qui va se faire péter le bras alors qu'il venait de lui péter le bras juste avant, et puis ça sort de nulle part, n'importe et puis quoi. Voilà, il tourne sa veste, et puis paf, il rejoint le Miyagi-Do. Et puis à la fin, là, c'est Johnny Lawrence et Daniel LaRusso qui sont co-entraîneurs, on va dire, du club de karaté. Et tu sais que bah, pendant la saison 4, ça va être la rivalité entre Johnny et Daniel qui va devoir s'effacer pour faire face à une menace qui est crise. Ouais, moi c'était super attendu. Hein. De toute façon, on n'a jamais caché que le potentiel de la série, c'était avant tout nostalgique. Hein. C'était de ramener les fans, quoi. De toute façon, là, la saison 3, ça surfe encore plus sur la nostalgie qu'avant. Donc s'il n'y a pas un épuisement du truc, quoi, des joueurs, là, saison 3, est-ce qu'on n'aurait pas dû arrêter, quoi? Bah, je pense qu'ils vont arrêter à la saison 4, en tout cas c'est les rumeurs qui courent, mais enfin tu sais, hein, les vaches à lait que sont les spectateurs, dès qu'on peut les traire ça un marche, peu plus. Ça marche, parce qu'il y a quand même, elle a quand même bonne presse cette série quand même. Hein. Elle est quand même bien réalisée. Ah, mais pareil, hein, tu prends la saison 2, à la fin c'était Baston Général, saison 3 à la fin c'est Baston Général. Donc d'accord. C'est copié-collé, c'est juste que là ils sont plus au collège, mais ils sont dans la maison de LaRusso, quoi, en train de tout péter et de se bastonner. Puis je te dis, là il y en a, ils changent de camp, mais ça sort de n'importe où. Voilà, te pose pas de questions, quoi. C'est... Moi, j'ai une petite question, c'est au niveau des chorégraphies. Est-ce que tu sens que c'est chorégraphié? Est-ce que tu sens que c'est un peu léger au niveau des combats et que, bon, c'est filmé, mais on montre du karaté, mais pas trop, quoi? Bon, t'as déjà vu des Super Sentai? Ouais. Ouais, bah, c'est pareil. Ah, c'est à ce niveau-là? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de violence, quoi. Il n'y a pas de goutte de sang, il n'y a pas de... Bah, il passe à travers des meubles, des trucs en verre, mais il n'y en a jamais un qui saigne. Ouais, il n'y en a jamais un qui se casse le dos, quoi. Y a les seuls qui saignent, c'est toujours Johnny et... Daniel. Et non, Daniel, voilà, lui, il maîtrise la situation. Donc il saigne pas, mais c'est toujours Johnny qui en prend plein la gueule. Ouais, c'est un peu light au niveau des combos, quoi. C'est ça. C'est light. Il y a même à un moment, ils se battent à deux contre Reese, et puis même c'est light. Même Reese, t'as l'impression que bon, c'est des arts martiaux, mais un petit peu de vieillard, quoi. Bah il est vieux, il a quand même 80 ans, je crois que même que l'acteur doit pas. Il a agi, et Martin Cobb. Bah, s'il a fait le Vietnam déjà, c'est qu'il est vieux. Mais veut dire, t'as un peu de mal. L'acteur lui-même, ça a jamais été une tête de. Ça a été un acteur de gros bras, tu sais, il faisait des rôles de gros bras, parce que je l'ai vu dans Rambo 2, par exemple. Mais ça n'a jamais été un acteur comme on peut dire, comme je vais dire ces gros bras des années 80, style Van Damme ou Bolo Young, ou qu'est-ce que je peux citer aussi, il y a plein de cogneurs qui ont fait les petites. Tiens. Mais c'était vraiment des gens qui venaient des arts martiaux, tu sais, un peu comme Scott Atkins ou qu'est-ce que je pourrais dire aussi, j'ai plein d'exemples, mais voilà, quoi. Bah là, tu vois, tu parles de cogneurs, quand Johnny se bat contre Rizm, c'est vraiment du truc de cogneur, ils se mettent sur la gueule. Ouais. Et après, quand t'as Daniel qui arrive à la fin, ça fait moins cogneur, ça fait plus technique. Ouais, ça fait karaté kid, quoi, c'est-à-dire plus de l'esquive. Et puis qui te sort une technique de mon cul, quoi, c'est-à-dire c'est un peu léger karaté kid. Il paralyse Reese avec une technique de qu'il l'a vu une seule fois et il sait la reproduire. Ah ouais, ouais. Putain, c'est Sangoku le mec, il a vu une technique et il sait la refaire. Ah, pour toi, c'est la plus grosse faiblesse de la série, quoi, cette histoire. Bah, c'est parce que bah tu vois, c'est l'inconvénient, c'est que c'est déjà vu. Quand tu regardes la saison 2, tu regardes la saison 3, tu dis bon, tout ça c'est déjà vu. Déjà vu. Toi t'as quand même regardé les 3 saisons. T'es quand même resté jusqu'au bout. Je vais regarder la 4e, mais juste pour voir comment ça termine. Mais c'était pour l'histoire, pas vraiment pour le côté rivalité martiale, quoi. Non, puis moi, ce que j'avais bien aimé dans la première et encore dans la 2e saison, les personnages, ils te montrent que c'est pas des gentils et des méchants, c'est des personnages. C'est-à-dire qu'ils ont un développement et puis ils doivent se trouver, se chercher. Du coup, tu t'attaches aux personnages. Et quand tu prends la saison 3, c'est d'un côté les gentils, de l'autre les méchants. Ça devient trop blanc et noir. Du coup, il y a moins de zones grises et du coup, bah, tu te fais chier. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Dès que t'as les stéréotypes, ça baisse de qualité tout de suite. Ça doit être ça, à mon avis. Ça baisse d'intérêt. Parce que la qualité, pour moi, elle est quand même présente. Est-ce que ça n'a pas été alourdi, justement, cette espèce de stéréotype, par l'arrivée de Reese, qui est quand même une grosse brute sans nuance, quoi. Ce que je te disais encore de la saison 1 et de saison 2, c'est que tu sentais que Johnny, c'était la grosse brute au début. C'est-à-dire qu'il avait fait comme ça tout le temps, donc il faisait pareil. Mais comme tu vois évoluer, qu'il commence à tourner comme quelqu'un de plus réfléchi, tu te dis, bah, il manque un méchant. Alors, du coup, ils ont dit, bon, on va ramener Reese. Voilà, méchant, ouais. Reese. Au lieu d'en créer un nouveau, quoi. Ouais, ou de toujours continuer dans l'ambiguïté. Ouais. Et là, maintenant, non, c'est Johnny gentil, Daniel gentil, Reese méchant. Nous comme devoir tu vois, battre ils méchant. Ils auraient peut-être pu ramener, ce personnage, d'ailleurs, qui était joué par Thomas Ian Griffiths, qui est un acteur qui faisait vraiment des arts martiaux, apparemment. Et, c'était le, je sais pas si tu te souviens dans le 3, là. Celui qui avait les cheveux longs, là. Ouais, c'est ça, qui était habillé en noir, là, qui, en fait, on croyait qu'il tenait avec Daniel, mais en fait, il tenait avec Reese pour le ridiculiser. Donc, ils auraient peut-être pu ramener ce personnage-là, et puis, ça en fait un petit peu moins fin de service, quoi. Je sais que dans la saison 4, ils vont ramener un personnage, mais on sait pas encore lequel. Parce qu'on On voit juste Reese qui prend son téléphone, qui te dit, tu te rappelles, tu me dois un service. D'accord. Donc on verra. Alors c'est peut-être un personnage là, finalement. Ouais, ou Duncan MacLeod. Ou Connor MacLeod. Highlander. Non, mais je veux dire, voilà, saison 3, il n'y a pas grand chose à dire, parce que c'est plus ou moins un copier-coller de la saison 2. Mm. Ça reste un teen movie, donc je pense qu'on est à la fois la cible et à la fois pas la cible, c'est-à-dire qu'on surfe beaucoup, mais alors beaucoup sur la nostalgie. Par contre, on voit qu'ils ont eu plus de droits dans la saison 3, parce que tu vois beaucoup plus Maître Miyagi dans la saison 3, en flashback. Pat Morito. Ouais, ouais, et la qualité des images est mieux. Donc tu sens qu'on a eu un, qu'il y a eu une négociation des droits pour te dire, ouais, ouais, on va pouvoir le montrer. Et quand tu me dis les flashbacks, en fait, c'est du recyclage des films. Des images des films. Donc ils ont été restaurés en fait. Oh oui, il y a eu du budget. D'accord. Parce qu'avant ça faisait un peu, saison 1, ça faisait un peu... Enfin tu voyais que c'était des images des années 80 quoi. Ben, je vois. Il y a du grain et du machin. Je pensais qu'ils auraient peut-être fait des films, des flashbacks avec Pat Morita qui serait plus vieux, tu sais, par exemple, avec Daniel, qu'ils auraient un petit peu rajeuni, tu sais. Non, ça vient toujours des films. D'accord, c'est du rappel quoi. Ouais, c'est du rappel, du réchauffé. Bon ben ouais, pas mal comme review pour la saison 3 de Cobra Kai. Et puis dès que tu verras la 4, ben tu nous feras un petit signe. Ouais, l'année prochaine. C'est l'année prochaine, ouais. Pour la saison 5 des Pot-Calais. C'est vrai que moi sur YouTube, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font des reviews et qui sont généralement positifs. Voilà, quoi. Puis ils attendaient avec impatience cette troisième saison. Et est-ce que tu veux parler un petit peu de manga maintenant? Bah, soit je pars sur des mangas, mais ça n'a plus rien à voir avec des films d'action. Peut-être que je peux enchaîner sur Warrior. Soit t'enchaînes sur Warrior et puis je reviendrai sur les mangas, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. D'accord. Dessus, donc je vais conclure là-dessus. Après. Bon, on va continuer un petit peu dans les arts martiaux. C'est-à-dire que là, Warrior, à la base, c'est une série qui était produite par Jonathan Trooper, Justin Lin. Donc Justin Lin, on le connaît parce que c'est surtout il est très lié à la franchise Fast and Furious. Je le voyais un petit peu d'un œil négatif au départ. Fast and Furious, c'est vrai que la franchise s'épuise, mais c'est parce qu'ils sont partis dans une direction qui devient limite des films de science-fiction. Non, mais je veux dire, quand tu regardes Fast and Furious 1 et le 2, après ça va. Tokyo Drift, ça va déjà plus. Ah non, il mais pas ça terrible. Passe, hein, je veux non, dire. C'est naze. Dans le 1, c'est carrément Point Break, hein, c'est-à-dire le mentor et l'apprenti. T'aimes pas toi Point Break? Non, j'aime pas Point Break. Mais tu vois, t'as le mentor et l'apprenti qui cherchent à se comprendre l'un l'autre et il finit par comprendre entre guillemets son adversaire et pas à épouser sa philosophie dans le 1, mais à le comprendre, à le respecter. Bah, et ouais. Ça c'est bien. Dans Fast and Furious 1 et 2, ça c'est plutôt pas mal. Non mais le 1 passe bien. Après le 2, bon, on surfe un peu sur la mode, on commence à faire un peu du commercial. Il y a cette scène qui est complètement risible avec quand il passe en vitesse lumière. Alors ça, j'ai trouvé ça débile. Ça me fait poser penser pas Supercopter, mais avec la moto là. Ouais. À tonnerre mécanique. Tonnerre mécanique. Le mec il va à 500 à l'heure, il y a pas un feu sur sa route d'ailleurs. Tu te souviens de cette scène là? Donc ça fait vraiment tonnerre mécanique cette scène là en plus. Mais je veux dire, dans le scénario ça passe pas mal. Donc t'as Eva Mendes dedans, c'est déjà un bon point. Et puis t'avais un méchant qui était hyper caricatural d'ailleurs. Mais après moi je trouve que ça part un peu en couille. Apparemment Dwayne Johnson s'y est mis, apparemment ça a rehaussé un petit peu la saga d'après ce que j'ai entendu. Bah après ça partit un peu plus sur... Enfin tain, on arrive à déverger sur Fast and Furious. Après ça part plus dans l'humour parce que t'as quand même Statham, Johnson et Vin Diesel. Enfin, Vin Diesel non, il se prend quand même au sérieux. Ah il se prend trop au sérieux dans ce film. Hein. Mais non. Johnson il se prend pas au sérieux. Tu vois Vin Diesel, moi je l'aime bien, c'est dans les Riddick. Je trouve qu'il est hyper sobre, il joue bien le personnage de Richard Riddick, tandis que il se la pète, ça reste correct quoi. Par contre dans les Fast and Furious on voit qu'il veut être le maître du truc, il veut être le seul maître à bord et ça va pas quoi. Enfin, j'aime pas employer plusieurs fois le mot dans le même podcast, mais c'est des concours de bites après. Ah mais totalement Furious, mais bon, parce que s'il y en a un qui reçoit un coup il doit le redonner, c'est par contrat. Ouais. C'est-à-dire si Diesel il se prend 4 coups dans la gueule par Statham, il faut qu'il redonne 4 coups dans la gueule à Statham. Voilà, c'est par contrat, c'est comme ça. En plus t'as plein de caméos, j'ai vu qu'il y avait par exemple des caméos de Kurt Russell ou de Charlize Theron dans les films, tu vois. Ouais, c'est un peu dommage. Enfin, des acteurs qui sont plus ou moins bons dans d'autres films, quoi, tu vois, qui ont prouvé qu'ils étaient quand même assez intéressants. C'est vrai que c'est une. Après, t'as des scènes du style la poursuite en sous-marin ou celle d'un avion. Le coffre-fort dans les rues, là. Ouais, non, ou là, c'est horrible, quand ils poursuivent un avion, que si tu suis les trucs à 300 km/h, enfin, ça faisait l'île Marseille, quoi. C'est un grand aéroport. Hein. Non, puis après, ça a engrangé une mode, c'est-à-dire que maintenant, on a plein de téléfilms Fast and Furious, tout est série B avec des poursuites, quoi. On a une série animée Fast and Furious. Oui, c'est sur Netflix, d'ailleurs, il me semble. Netflix, Donc, petit aparté sur Fast and Furious, qu'on parlait de Justin Lin, qui est, entre autres, je crois, producteur et réalisateur. Pour une fois, c'est pas une aparté sur Star Wars. Et la troisième personne qui est impliquée dans le projet, bah, c'est la fille de Bruce Lee en personne, c'est Shannon Lee, donc qui a décidé de lâcher un peu les droits des écrits de son père, vu que le scénario de Warrior était inspiré des écrits de son père. D'ailleurs, des écrits qui à la base étaient faits pour servir de support à la série Kung Fu, vu que c'était Bruce Lee dans les années 70, après son apparition dans Le Frelon Vert. Je sais pas, tu connais un petit peu Le Frelon Vert? Ouais, je connais. Ouais. Il jouait donc le rôle de Kato, et il avait proposé à la Warner de financer une nouvelle série qui le mettrait justement en valeur et qui s'appelait Kung Fu. Et justement, la Warner, il y a encore une espèce de racisme envers les Chinois dans cette du période. Whitewashing, hein, c'est encore d'actualité. Genre. Donc, ils voulaient pas que Bruce Lee devienne le héros, donc ils ont recyclé son scénario et ça a donné cette série que moi je trouve pas terrible, Kung Fu avec David Carradine, quoi. Un peu plan-plan comme série. Ouais, tu l'avais déjà vu. J'ai vu quelques épisodes parce que ça date beaucoup, je devais être jeune quand je les ai regardés, mais je sais que je me faisais chier. C'était mou, puis au niveau des combats, c'était. C'était sous Trunks scène, quoi. Parce que j'allais dire, tu compares un combat Carradine et un combat Bruce Lee dans ce que je vois, bah tu sens qu'il y en a un qui pratique mieux que l'autre, quoi. Carradine a peut-être fait des arts martiaux, dans ce film ça se sent pas, quoi. C'est plus dans cette série, non, du taijutsu, du jujitsu, ouais, que du kung c'est, fu. C'est la pratique de waouh, tu sais, de bouger les bras. Ouais. Quoi, le tai chi peut être violent, hein, dans certains cas. Voilà, quoi. C'est un peu dommage de pas avoir eu cette série sur Bruce Lee. Puis après, de toute façon, c'est peut-être que s'il aurait fait cette série, il aurait pas fait tous les films qu'il aurait pas été aussi connu au Japon, en Chine, en faisant tous ces films qu'il a fait après, c'est-à-dire Big Boss, La Fureur de Vaincre, La Fureur du Dragon, sachant qu'il y a Opération Dragon et Le Jeu de la Mort, par exemple. À l'époque, c'était tourné sous le manteau, des fois. Hein. En plus, c'est des films hyper fauchés, quoi. Il fallait du culot pour le faire, quoi. On n'a pas le truc, on n'a pas accès au lieu. Non, mais on tourne quand même, c'est pas grave. Il faut quand même avouer que les scénarios de Bruce Lee sont un petit peu basiques et que c'est le charisme du mec qui fait qu'on apprécie les films, quoi. C'est le personnage en lui-même, quoi. Et c'est lui qui a fait découvrir on va dire la chorégraphie d'arts martiaux. Il y avait tellement, c'est vrai que il y avait une dimension un peu plus réaliste par rapport aux anciens films où tu voyais les mecs avec des câbles qui volaient ou tu vois ce que je veux dire, quoi. C'était pas encore connu, hein. Les films asiatiques à l'époque d'arts martiaux, c'était pas connu. C'est vraiment Bruce Lee qui a lancé le truc. Ah ouais. Puis en plus il a quand même lancé plein d'artistes martiaux. Pareil, Jackie Chan justement, c'est un peu Jackie Chan parce que Jackie Chan, il a été cascadeur sur les films de Bruce Lee justement. Chuck Norris aussi. Aussi, mais Chuck Norris, c'est vrai que il y a cette scène dans l'arène, mais Chuck Norris, après, il a eu une carrière américaine, mais c'était plus des thrillers, tu sais, des films d'action, que plus que des films d'arts martiaux, quoi. Bah, dans Walker, c'était plus de l'art martial que l'action. Ouais. Mais Chuck Norris, lui, à la base, était quand même un champion de karaté renommé, donc c'était pas mal. Je pense qu'on fera une belle rubrique sur Bruce Lee, sur Jackie Chan prochainement, parce que j'ai vraiment envie de revenir sur cet artiste martial exceptionnel. Après, moi, la série Warriors, malheureusement, je l'ai pas vue. Ouais. Donc forcément, bon, ça va être à toi de gérer le truc. Bien sûr. Donc, on va rappeler un petit peu les faits, c'est que on est à la fin du 19e siècle et les Chinois débarquent à San Francisco dans la ville de Chinatown où il y a justement ils sont exploités par les blancs, quoi. On est dans cette période-là. Hein. Ce qu'il faut rappeler que c'est historiquement vrai, c'est-à-dire que on a importé les Chinois, enfin les États-Unis ont importé les Chinois pour construire le rail, pour développer en gros la civilisation entre guillemets, tout ce qu'il fallait construire, etc. Tout et côté, après ils ont dit vous démerdez. Ils ont développé le côté industriel et la main-d'œuvre, justement. Main-d'œuvre pas chère, tout simplement. Vraiment pas chère, et puis jetable à souhait. Jetable, c'est-à-dire que vous arrivez, vous faites votre travail, une fois que le travail est terminé, vous vous démerdez, c'est pas le problème. On le voit bien dans cette série, on voit bien qu'ils sont sous-estimés, que c'est vraiment du bétail, quoi, limite. C'est un peu aussi critiqué dans cette série, qui en prend aussi tout l'arrière-plan historique, parce que l'histoire de l'Amérique a été émaillée de peu de faits glorieux des Américains, quoi. Bah, tu retiens l'esclavage, tu retiens l'exploitation de la main d'œuvre, que ce soit chinoise, irlandaise, n'importe. Voilà, bah ils sont construits sur la sueur des autres. Hein. Ouais, c'est ça. Donc l'immigration et tout ça. Et puis au milieu de tout ça, il y a les gangs et puis il y a ce qu'on appelle les tongs. Donc les différentes factions de combattants et de truands. Enfin, c'est un peu les réminiscences des triades. On a exporté un peu les triades vers les États-Unis, quoi. Et donc il y a toute cette guerre et puis c'est développé à travers la série, mais il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que Il y a aussi le fait que il y a les Tongs d'un côté, il y a les politiciens qui sont véreux, il y a les Irlandais qui eux gueulent parce que les Chinois prennent leur boulot, donc ils se retrouvent à la rue aussi. Ils ont comme la main d'œuvre est moins chère, évidemment ils se retrouvent lésés, tu vois. Et puis aussi t'as le côté avec les policiers qui sont tantôt propres, tantôt corrompus, quoi. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans chaque catégorie de personnes, il y a toujours une nuance, tu vois. Personne n'est jamais complètement méchant dans ces gens-là. Enfin, en espérant qu'on évite de tomber dans le cliché. C'est ce que j'avais peur, quoi. Si ça tombe dans le cliché, tous les Chinois, ils font du karaté, après, tous les Irlandais, c'est des mecs qui gueulent, qui boivent et qui se tapent. Ouais, c'est un peu con d'en arriver là, quoi. Ils font des tournois, mais on n'est pas dans la caricature, et c'est ça qui fait un peu la force de cette série, c'est que quasiment tous les personnages... Bon, je dirais que la partie chinoise est la plus intéressante, quand même, parce qu'il y a plus de développement. Après, si la fille de Stan Lee... Si la fille de Bruce Lee, elle a laissé les droits, je pense qu'il va avoir... C'est parce qu'elle voulait aussi qu'on mette son... Qu'on montre un petit peu la réalité du peuple qui est arrivé pour construire un pays, alors qu'ils n'ont rien à faire. Les descendants de Bruce Lee, quoi. Ouais, les descendants. Puis qu'ils ont été exploités pour construire un pays dans lequel ils ne sont pas le bienvenu. Ils sont souvent maltraités, et puis on voit quand même que la cruauté des Blancs dans ce truc-là, hein, c'est que... On peut voir la violence dans certains cas chez les Irlandais ou chez les Chinois, mais on voit aussi la fourberie, je dirais, des bourgeois, par exemple. En fait, la violence physique des exploités, et après la violence morale des exploitants. Non, c'est ça, ouais. Donc c'est bien mis en avant. Et puis, le personnage principal, c'est Sam, et c'est lui qui arrive dans le port de San Francisco, et dès qu'il arrive, il est déjà provoqué. Donc déjà, t'as déjà un premier clin d'œil à Bruce Lee, parce que il clone pas Bruce Lee, mais on sent, j'ai senti dans l'interprétation de Andrew Koji, qui est formidable dans cette série, on voit toute l'arrogance, il est un petit peu arrogant, Bruce Lee, hein. Dans son style, on voyait sur les plateaux de télé ou peut-être sur les machins, mais c'était quelqu'un qui était très ouvert, mais on sent déjà l'arrogance et puis une force tranquille, tu sais, il va pas se mettre à gueuler, si quoique dans ses films il gueule beaucoup, mais là-dedans, Andrew Koji, il est plutôt il fait une espèce d'art martial un petit peu sobre, tu vois. Bon, c'est pas, il va pas dire tu es déjà mort, je sais quoi, ou tu sais, des trucs comme ça, tu vois. On m'a eu un mouchon d'elle. Non, mais on sent que l'adversaire qu'il va avoir en face, il va pas tenir plus de 30 secondes, quoi, tu vois, un truc comme ça. C'est beaucoup de techniques martiaux. Et je trouve qu'au niveau de chorégraphie, c'est très bien fait. C'est bien filmé. Il y a une nervosité dans la mise en scène. C'est très violent. Il y a beaucoup de sang. Des fois, ils se retrouvent de face à des adversaires qui sont rudes et qui s'en prennent plein la gueule. Et puis, il sort quand même vainqueur. Mais, il y a un combat avec un autre chinois qui est vachement charismatique qu'on a vu dans The Raid d'ailleurs. C'est toujours bien filmé et ça prend. C'était une série qui passait tous les semaines. Mais j'étais vraiment impatient de redécouvrir le prochain épisode, tu vois. Même la saison 2, au bout de la saison 1, t'as une espèce de suspense qui se crée, et puis tu reprends dans la saison 2. Bon, je vais dire que la saison 1 est quand même plus intéressante, parce que il y a ce côté découverte, fraîcheur. Toujours quand t'as la découverte des personnages, c'est toujours intéressant. Après, quand t'es bien installé, tu te dis, merde, il y a des trucs qui se répètent un petit peu dans la saison 2, mais il y a tellement une scène d'ultra-violence dans les derniers épisodes, que tu te dis, ah ouais, ils ont quand même été jusque-là, quoi. C'est intense, quoi. Il y a un épisode, c'est intense, ça dure pendant 50 minutes, il y a que de la baston, quoi, tu vois. C'est vraiment une série que c'est vraiment un coup de cœur, tu vois. J'ai hâte déjà de voir la saison 3. Je vois pas que dire, parce que je vais pas non plus la spoiler complètement. Bon, c'est sur la chaîne Cinemax, et puis bon, bah, il y a toujours cette espèce de clin d'œil à Bruce Lee, notamment à la fin de la saison 2 où il s'arme de son nunchaku. On voit il reprend un peu les poses, les mimiques. Il a, tu sais, cette espèce de tic qu'il a sur son nez quand il fait, c'est vachement visuel. Ouais. Je viens de le faire devant le micro. Donc il fait ça avec son nez, et puis on voit le côté Bruce Lee, il met ses mains en avant, tu sais, comme un peu comme sur l'affiche du jeu de la mort, tu sais. Mais vraiment, il s'approprie vraiment le personnage, quoi. Et puis ils ont bien développé l'intrigue de Warrior, et je trouve que c'est une franche réussite, quoi. Voilà ce que je pouvais un peu dire sur la saison de Warrior, sans trop déballer non plus trop l'histoire, parce que il y a vraiment des développements sur chaque catégorie de personnes. Maintenant, comme j'ai dit, les Chinois sont plus intéressants, parce que il y a ce côté avec Assam et sa famille qui revient aussi. Bah, disons que si le héros est forcément chinois, oui, il y aura plus de d'attachement au héros. C'est toujours comme mais ça. Mais des fois, ouais, tu peux t'attacher au héros, mais des fois, il y a des côtés qui sont pas sympathiques, tu vois. Il va faire des coups de pute, ou il va pas être très réglo avec certaines choses, tu vois. Donc, ils vont pas non plus le montrer au firmament de son caractère, sa positive, quoi, de son allure positive, ouais. Tu vois. C'est ça que je voulais dire aussi. Voilà, quoi, à découvrir si on aime bien un peu les séries historiques, les séries d'arts martiaux. Ça mélange un peu de tout et c'est vachement réussi, quoi. Après, cette séquence de Bruce Lee Lives. Ah, maintenant, on va partir sur du beaucoup plus calme. Hein, parce que je vais parler de un ou deux mangas, bon, qui sont, en tout cas, l'un sur les deux, pas du tout fantastiques, hein, qui restent sortes de l'univers. Un vieux manga, donc 2013, d'abord en premier, qui est un petit peu fantastique, mais vraiment un petit peu, léger, qui s'appelle Chunibyo. En fait, Chunibyo, c'est l'histoire d'un garçon, Yuta, qui passe du collège au lycée, et qui change totalement d'environnement, parce qu'au collège, c'était quelqu'un qui était atteint de ce qu'on appelle au Japon la Chunibyo. Chunibyo, c'est quand on se prend pour quelqu'un qu'on n'est pas. C'est-à-dire que lui, il se prenait pour un super héros avec des super pouvoirs, sachant qu'il en a pas, mais pas du tout. Hein. Et du coup, il se tapait un peu la honte, parce que c'était un peu le kéké du lycée, mais enfin le kéké du collège, mais pas loin. Donc du coup, il décide de changer d'environnement complètement pour que les gens ne le reconnaissent pas et de devenir quelqu'un qui agit normalement. Et pas de bol pour lui, il va se faire vite rattraper par les personnages qui ont aussi eu la Chunibyo et qui vont se retrouver donc dans son lycée, dans son collège. Et puis il va rencontrer notamment une jeune fille qui s'appelle Rika, et il va avoir une amourette qui va se créer entre les deux, et elle a complètement embrassé la Chunibyo, c'est-à-dire que elle a des super pouvoirs, elle peut manipuler la matière noire, elle peut faire de la sorcellerie, ce qui est pas du tout vrai, hein. C'est-à-dire que il nous montre des passages où elle manipule des dimensions et tout, mais c'est ce qui se passe dans sa tête, et c'est assez rigolo. Parce que, t'as une amourette entre quelqu'un qui a vécu la Chunibyo et qui veut absolument en sortir, et quelqu'un qui l'a complètement embrassé et qui vit que pour ça parce que, elle a quelques problèmes dans sa vie et c'est une manière pour elle de s'évader. Et puis après, c'est une série de, pas de quiproquos, mais de, quand elle est dans son délire, entre guillemets, lui arrive à la comprendre, parce que comme il a été dans cette situation-là, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et par contre, lui, il la ramène souvent à la réalité, tout en respectant le fait qu'elle ait besoin de s'évader dans ses pensées pour pouvoir juste se sentir bien dans sa vie, quoi. Donc c'est un peu la vie rêvée d'un super-héros, quoi. Ils vivent une vie de lycéen normal, mais tout en disant qu'ils ont des super pouvoirs, alors que c'est pas vrai du tout, hein. C'est vraiment, y a pas de truc fantastique, ils sauvent pas la planète. Ouais, c'est pas du mytho, parce que pour eux, c'est un moyen de s'évader de leur situation qui est pas géniale. T'apprends notamment qu'elle vit avec sa sœur, parce que ses parents, ils sont barrés, ils sont jamais revenus. Et pour elle, c'est une occasion de fuir la réalité qui est douloureuse, et pourtant de s'ancrer aussi dans la réalité en tombant amoureuse de quelqu'un et de vivre une vraie relation avec ce quelqu'un, quoi. C'est pas symptomatique un peu de ce mal-être, social, de s'évader dans un autre monde pour éviter justement la laideur du monde réel, tu vois. Voilà, exactement. Ouais. Chunibyo, c'est un vrai terme médical japonais. Ouais. C'est-à-dire, c'est des personnes vraiment comme ça. Ouais, mais il n'y a pas qu'au Japon aussi. Mais ils considèrent pas que c'est une maladie. C'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est une phase dans ta vie où la réalité, elle est tellement dégueulasse que t'as besoin de t'évader. Bon, il n'y a pas qu'au Japon qui a ce mal-être, hein, de toute façon. Il y a ce mal-être partout. Si en Occident, ça peut être ailleurs, quoi. Même si on prend notre cas particulier, on fait des podcasts, on regarde beaucoup de trucs de science-fiction, de SF et tout. Ouais. Parce qu'il y a que ça qui nous fait rêver. Ouais. Si tu regardes la situation actuelle, pas grand chose qui te fait rêver, quoi. Tu vas pas regarder Joséphine Ange Gardien, je veux dire. Citer du pire, quoi. Voilà, ça me fait pas rêver, moi, Joséphine Ange Gardien. Ah bah non, mais bon, il y a beaucoup de séries françaises qui font pas rêver, quoi. Voilà. Donc s'évader du monde réel pour pouvoir vivre dans le monde, c'est-à-dire pour pouvoir bien vivre. Et elle, en fait, en embrassant, sa dimension de Chunibyo, elle a des amis qui ont la Chunibyo aussi, mais qui le vivent bien. Hein. Ils sont pas plus rejetés que les autres, ils sont pas plus mal vus que les autres, c'est-à-dire qu'ils vivent avec. Et après, tout ce petit groupe vit ensemble, et puis ça donne des situations cocasses, parce que l'autre, celle qui s'appelle Maury Summer, elle avait la Chunibyo avant au collège, et il y a une des lycéennes qui a tombé sur un livre qu'elle avait écrit, un truc tout à fait barré, et puis des fois, elle lit des passages devant tous les élèves. Alors du coup, l'autre, elle est gênée, puis ça donne des quiproquos, puis ça te prend aussi, ça reste japonais, mais ça te montre aussi que si t'aimes quelqu'un, tu l'aimes pas pour ce que ça veut représenter, tu l'aimes pour Rien. C'est-à-dire que tu l'aimes pour la personne, pas pour ce qu'elle représente. Ouais. Et c'est ce que Yuta y arrive à faire. Parce qu'il y a un moment, il arrive à lui enlever la Chunibyo, c'est-à-dire à dire, serait bien que tu sois dans le monde réel, etc. Parce que, voilà, la vie, c'est le monde réel, c'est payer ses factures, c'est machin. Et après, elle dépérit complètement. C'est-à-dire qu'elle devient dépressive, etc. Et c'est lui qui la réinitie à la Chunibyo pour dire, je vois pas pourquoi j'ai voulu te changer. Si t'es comme ça, c'est pas à moi de changer. Et au niveau graphisme, c'est quoi? C'est le style traditionnel du manga? Style traditionnel du manga, graphique. Gros yeux et petit nez. Gros yeux, petit nez, pas trop de fanservice. Ah bon? C'est appréciable. Pas de culotte? Pas trop de culotte, il y en a quand même. Mais non, c'est vachement regardable. Tu peux regarder ça avec tes gosses. Et par rapport à ce que tu as déjà chroniqué avant, t'as une préférence pour celle-là ou pour les deux autres que tu disais? Ah, moi j'ai une préférence pour Ice Core Girl parce que voilà, c'est récent. T'es fanboy? Ouais, puis fanboy des jeux vidéo. L'otaku. Voilà. Après, non, Chunibyo, c'est bien, ça se regarde bien. Encore un truc qui passait sur Game One où j'ai vu les deux premiers épisodes et je me suis dit, bah, il faut que je regarde le reste. Y a pas tortillé du cul, il faut que je regarde le reste. Y a deux saisons, donc ça doit faire une vingtaine d'épisodes. Bon, c'est court, quoi. Ouais, c'est court, ça se regarde bien, c'est mimi tout plein, tu te sens pas oppressé quand tu regardes ça. C'est des épisodes de 20 minutes? Une vingtaine de minutes par épisode. Ouais, c'est quelque chose qui se regarde bien et puis, tu te sens pas oppressé, tu te sens un peu plus détendu quand t'as regardé ça. Voilà, quand t'as 40 ans et que tu regardes des mômes de 16, c'est un peu compliqué. Parce que tu te sens moins concerné, mais je veux dire, t'arrives quand même à avoir de l'intérêt pour cette série, puis ça te montre un peu après la vie au Japon. Ce que tu fais quand t'as un date à cet âge-là, c'est-à-dire que tu vas dans des trucs, t'es tout gêné, machin, et puis voilà, c'est un truc qui se laisse vraiment bien regarder et que j'ai réussi à bincher aussi. Bah, tu peux peut-être enchaîner sur ton deuxième. Bah, justement, pareil, j'aimais bien Ice Core Girl parce que c'était sur les. Parce que je suis plutôt un otaku. L'esprit otaku, ouais. Et justement, là, en parlant d'esprit otaku, le deuxième manga. Je vais le dire en français. Ça s'appelle Otaku, ou alors L'amour est dur pour les otaku. Ouais, c'est Love is Hard. Love is Hard for Otaku. Mm-hmm. Parce que là, en japonais, ça va être assez compliqué à prononcer. C'est Wotaku no Koi wa Mazukashi. Okuto no Ken. Là, j'ai l'impression de dire une formule en latin pour faire apparaître un monstre. Hein. Et là, par contre, il y a que... c'est pas un truc où il y a beaucoup d'épisodes, il y a 10-11 épisodes maximum. Et en fait, c'est une dame qui arrive, enfin une fille d'une 20-25 ans qui arrive dans une société. Et en fait, c'est une otaku, mais une otaku des cosplays. C'est-à-dire qu'elle adore faire du cosplay, elle va au comiquette, tous les trucs comme ça, quoi. Et en fait, elle veut juste rentrer dans la société pour gagner de l'argent. Hein. Elle est pas plus douée qu'un autre. Et elle se rend compte que dans cette société, il y a quelqu'un avec qui elle était au collège et qui était réputé pour être un otaku des jeux vidéo. C'est-à-dire un gamer, quoi, tout charlé, simplement. Ouais. Et en fait, elle commence à lui parler et tout. Tu te rappelles d'avant et tout. Et puis lui, il dit, ouais, je me rappelle de toi, surtout que t'étais une otaku du cosplay, comment ça va? Et en fait, elle, c'est plutôt une otaku de ce qu'on appelle le yaoi, c'est-à-dire les garçons qui couchent avec des garçons dans les mangas. Donc du coup, il la charrie là-dessus. Elle le charrie sur le fait des jeux vidéo, puis ils se retrouvent ensemble, quoi. C'est-à-dire que lui, il lui dit, on pourrait peut-être essayer de faire un bout de chemin ensemble. Et puis ils font un bout de chemin ensemble, et c'est assez rigolo parce que chacun subit la passion de l'autre, mais la comprend parce qu'ils ont une passion dévorante aussi. Et après, dans ce milieu, il rencontre donc deux autres personnes. Donc une qui est une otaku des cosplays, c'est-à-dire qu'elle s'habille en homme pour aller dans les comiquettes, et l'autre c'est un otaku de je sais plus quoi. Mais c'est pareil, il a une passion aussi dévorante, et ces deux personnes sortent aussi ensemble. Et ce qui fait que c'est un petit groupe de quatre personnes qui ont chacun leur passion, qui s'intéressent aux passions de l'autre, qui se font dévorer par leur passion, et puis l'histoire d'amour qui te montre que quand tu dois subir la passion de l'autre, c'est compliqué, mais que si l'autre n'accepte pas ta passion, tu peux pas t'en sortir non plus. Donc c'est des compromis pour ces personnes à chaque fois, et puis c'est une série qui se laisse bien regarder. Il y a que 11 épisodes de 20 minutes, donc ça se laisse regarder assez facilement. On peut même tout regarder d'un coup. Et puis ça te montre que les rapports humains, c'est assez compliqué, mais que chacun doit mettre du sien pour pouvoir s'aimer pour soi et aimer l'autre pour ce qu'il est. Il y a un esprit de tolérance, quoi. Ah ouais, c'est très faut tolérer et faut pas juger. Bah ouais, deux beaux petits manganimes, on va dire. Ouais, des manganimes, Chunibyo, il y a deux saisons, faut compter une vingtaine d'épisodes, donc là c'est un peu plus long à regarder, mais ça se regarde. Par contre, pour ceux qui ont un compte Amazon Prime, ils peuvent regarder Otaku, hein, ou Love is Hard for Otaku. Parce que ça se regarde, mais d'une traite. Il y a beaucoup de mangas sur Amazon, parce que Netflix, je le savais, mais... Il y a beaucoup de mangas, mais il y en a, je les conseille pas. Il y a Sugar Life, que je conseille pas. Ouais. J'en avais déjà parlé dans notre précédent podcast. Un petit peu scabreux. Complètement. là, elle tue des gens. Hein. Là, protéger son amour, entre guillemets, avec le jeune enfant. Alors, tu vois le genre. Hein. Je peux pas regarder. Sugar Life, j'ai pas su regarder jusqu'au bout. J'ai regardé 3-4 épisodes. J'ai dit, moi, j'arrête là. Des viols, des trucs incestueux, j'arrête là. Ah, c'est hard comme comme ça. C'est jamais montré, mais tu le sens. Tu ouais. Voilà. Enfin, il y a un ressenti, il y a une suggestion qui est forte, quoi. Il y a une grande suggestion qui te dit, il y a un truc pas net qui se passe, et ouais. moi, je peux pas regarder ça. Ouais, je suis quelqu'un de trop pur pour regarder ça. Ouais, les Japonais sont un petit peu limite. Hein, quand non, même, ça dépend. Il y a de tout. Mm. Tu dis là, ils sont limite là-dessus, mais regarde, quand tu regardes les trucs Life is Earth sur Otaku, Cool Agehime ou Chunibyo ou des trucs comme ça, ça va, ça reste soft. Quand même une production énorme de dessins animés, de manga anime au Japon maintenant. Bah, tu sais, le premier consommateur de manga. Il y en a combien, le premier consommateur de manga, c'est le Japon. Ouais. Le deuxième consommateur, c'est la France. C'est la France. Voilà. Ah ouais. Bah ouais, c'était pas le cas dans les années 80, mais bon, si on revient tous les animés, les machins, parce qu'on parlera d'Akira, parce que c'est du manga adulte, hein, Akira. Akira, c'est du manga adulte. Mais tu vois, t'as du manga adulte, t'as du manga enfant, t'as du shoujo, du shonen, t'as tous les trucs. Tu peux trouver un éventail colossal. J'ai notamment regardé un manga qui s'appelle Bartender. C'est juste un barman qui fait son travail. Mmh. Mais tu restes accroché dedans. C'est pas des enjeux super, ils jouent pas leur vie. Comme dans un One Piece ou un Dragon Ball, ils vont pas sauver l'univers, mais c'est intéressant à regarder. Comme Jace alors. Ouais, comme Jace, mais c'est intéressant à regarder pour la vie de tous les jours. Et après, même hors manga, il y a la production comme Samurai Gourmet ou Midnight Diner, qui sont aussi sur Netflix. Ça, c'est pas du manga, c'est du live. Mm. Et tu regardes aussi ça et tu te dis, j'en veux savoir plus sur les personnages et tu commences à t'attacher. Mm. Tu vois, ils ont une façon de tourner, enfin, moi qui m'interpelle, puis des fois, ils ont de tout. Donc, tu veux regarder un truc dynamique, tu peux. Tu veux regarder un truc seinen un peu plus gore, t'as qu'à regarder des Parasites, tu veux regarder un truc qui va te mettre mal à l'aise, tu regardes Sugar Life, tu veux regarder un truc qui te détend, ouais, tu regardes un Bartender, tu veux regarder un truc tout mimi où tu pleures à la fin et t'es content pour tout le monde, tu regardes un Chunibyo, t'as que l'embarras du choix. Ouais, tu peux aussi regarder l'adaptation live de Cat Size si tu as envie de rigoler deux minutes. Si t'as envie de te marrer, t'as des nanars aussi. Ouais, ouais. Tu peux aller aussi à l'adaptation live de Sailor Moon. Hein. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est aussi un nanar. Allez, c'est mauvais. Ah, c'est à chier. Ah il ouais. y a mauvais et à chier. C'est le problème des adaptations japonaises, hein, mais on a discuté quand même. Mais il y a un gros pourcentage d'adaptations live qui sont vraiment mauvaises, hein, quoi. Bah, le live, c'est compliqué. Quand tu regardes Boku no Atsakikso, donc c'est Psyche Kikso. Donc, ils ont un truc... c'est un manga qui est sorti donc sur Netflix qui est là. Et c'est assez bien parce que le manga, il est dynamique. C'est quelqu'un qui a des super pouvoirs, mais de fou. Hein, c'est un dieu, le mec. Mm. Et puis, ils ont fait une série live et là, c'est à chier. Bon, c'est pas comme l'adaptation que je dirais que je la mets au-dessus des autres. C'est Space Battleship Yamato, par exemple. Yamato, c'est bien tourné. Qui est très réussi. Quoi. D'après les Matsumoto, qui est le créateur d'Albator d'ailleurs. Mais là, justement, là, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de manga Yamato. Ouais, mais il y a un manga anime quand même à la base. Ouais, mais je veux dire, là, c'est un truc, c'est pas. C'était prévu pour être un film. C'est prévu pour être du live. Donc là, franchement, c'est quand même mieux. Mais c'est vachement élevé parce qu'il. C'est pas cheap, quoi. Y a les... Ah, bon, c'est pas cheap du tout. Parce que tu veux dire que c'est leur monde, c'est cheap. Hein, Ouais. Ouais, limite, c'est niveau costume de Tokusatsu, là. C'est cosplay, quoi. C'est du cosplay, quoi. Ah non, les Tokusatsu sont mieux réalisés. Hein, c'est ah ouais, hein. Je vais te le dire. Ils ont même fait des versions de Dragon Ball en Thaïlande ou je sais plus dans un pays. Philippines. Ouais, Philippines. Un Philippino et un Taïwano-Coréen. Ça fait mal ces versions-là. Ah ben ça pique les yeux. Je dis Cat Size à côté, c'est du chef-d'œuvre quoi. Mais s'il y a du budget derrière, ça passe. Hein. J'ai du mal à me dire certaines adaptations. Il y a des trucs qui s'adaptent pas. Quand tu regardes le Death Note qu'ils ont adapté aux États-Unis. Ah oui, celui de Netflix là. Ah ouais, hein, c'est, tu prends une bonne tartine de merde, t'auras une meilleure chair à manger ça. Hein. Ouais, il y avait aussi La Bataille des Planètes qui avait été adaptée aussi. Sinon, c'est deux mangas, donc moi je vous les conseille. Donc Otaku et Chunibyo. Alors moi je vous le conseille. Vous pouvez regarder, ça vous détend. Ça changera pas votre vision du monde, mais au moins ça vous détendra. Et voilà, ça conclut notre nouveau podcast de l'année. Et puis on répète une nouvelle fois tous nos meilleurs vœux pour l'année 2021. Et puis à notre prochain podcast de rétrospective de Akira, justement, pour rester un petit peu dans le sujet. Je termine sur ces bons mots, comme d'habitude, j'ai envie de dire. Et puis on se revoit à la prochaine, donc pour. La continuité de la saison 4 des Pots de Calais. La saison 4.